290e chapitre. Les culottes de cuir. L'inspecteur de police sortit sur le pas de la porte et tenta d'apaiser les braillards, mais il reçut en plein milieu du visage une pierre qui lui brisa son pince-nez. Alors la révolte éclata. Le poste fut envahi et les agents quelque peu malmenés. On força la porte du box of correction et l'on délivra les deux prisonniers qui ne comprenaient absolument rien à ce revirement. Cependant, où leur surprise fut à son comble, ce fut lorsqu'ils se virent portés en triomphe par une foule en délire. Francis et Fabien, qui avaient laissé Totao dans l'aéroplane, voulaient absolument regagner leur appareil, mais serrés dans la foule, ils ne pouvaient s'échapper. Dick, qui n'aimait point ces sortes de manifestations, était déjà parti. Lorsque l'effervescence fut un peu calmée, M. Voirin dit à ses sauveurs « Mes amis, je vous remercie. Vous venez de faire un acte de justice. Maintenant, si vous voulez mettre le comble à votre obligeance, laissez-nous regagner notre aéroplane qui se trouve à quelques pas d'ici. Nous sommes pressés et nous voudrions bien nous remettre en route. » La foule poussa une grande clameur et se dirigea aussitôt dans la direction que lui indiquait M. Voirin. Quand on fut au bout de la rue qui donnait sur la plaine où était arrêté l'aéro, on aperçut des cavaliers qui s'enfuyaient dans le lointain. « Les culottes de cuir ! Les culottes de cuir !» crièrent les manifestants. « Ils fuient ! Ils ont peur ! Il ne faut plus les laisser rentrer dans la ville !» dit un homme. « Nous sommes ici chez nous, guerre aux étrangers !» Déjà, Francis s'était précipité vers l'aéro sur lequel on le vit grimper lestement. Presque aussitôt, le gamin se retournait et s'écriait avec des larmes dans la voix. « Totao ! Totao ! Ils ont enlevé Totao !» En effet, le petit Tonkinois avait disparu. Les culottes de cuir venaient de se venger. Voyant que la population de la ville soutenait leurs ennemis, ils s'étaient dirigés à la hâte vers l'aéroplane. Ils avaient trouvé Totao et avaient, malgré ses cris, enlevé le pauvre gosse. Où l'avait-il entraîné? La plaine était vaste et les bandits étaient montés sur d'excellents chevaux. Les nouveaux amis des aviateurs délibérèrent quelques instants. L'un d'eux, qui exerçait sur les autres une réelle autorité, dit à ses compagnons « Mes amis, il y a assez longtemps que nous sommes en butte aux tracasseries et aux vexations des culottes de cuir. Une fois pour toutes, il faut faire acte d'énergie, montrer que les habitants de Warden ne se laissent pas intimider par une bande de forbans venus on ne sait d'où. Une occasion s'offre à nous de montrer que nous ne sommes pas des lâches. La laisserons-nous échapper ?»« Non, non !» cria la foule. « Suce aux culottes de cuir !» Des hommes allèrent rechercher des chevaux. L'expédition s'organisa rapidement. Bientôt, des cavaliers armés de rifles et de revolvers se tinrent prêts à se lancer dans la plaine. Celui qui les commandait leur dit encore « Ne commettons pas d'imprudence. Écoutez-moi bien et nous triompherons de nos ennemis. » Il fut convenu que les aviateurs s'élèveraient dans les airs et planeraient au-dessus de la plaine dès qu'ils auraient aperçu les ennemis. Les culottes de cuir avaient disparu. Ils devaient avoir une retraite cachée, car il était inadmissible qu'ils eussent pu aussi vite se dérober au regard. Cependant, ils avaient affaire à forte partie. « Les voici ! Les voici !» s'écria tout à coup Francis, qui, perché sur le bordage, regardait attentivement au-dessous de lui. À suivre. Dans le prochain épisode, les culottes de cuir.